Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 30 novembre 2020. Voici les grands titres. L'administrateur de la commune Mukaza, mairie de Bujumbura, envisage d'exiger l'éclairage extérieur sur chaque ménage d'une part et de combattre l'oisiveté d'autre part comme moyen de lutte contre l'insécurité. Renova Sindayebura a rencontré ce matin les représentants des confessions religieuses, des organisations de la société civile. Et certains habitants d'Ogikongo rural s'inquiètent du ravinement progressif de la rivière Nyenzari en zone Gihosha. Propriétaires de maisons et locataires voudraient bien déménager, mais manquent de moyens. Et en commune Gisuru de la province Ruyigi, le seul centre d'enseignement des métiers dits fonctionnels sur les trois n'a pas non plus suffisamment d'élèves. Notre reporter y a rencontré le directeur communal de l'enseignement. Reportage à suivre. Et au sommaire également, le portrait d'une femme investie notable en 2002 en même temps que son mari. Catherine Teguera nous dira que cette fonction n'est aucunement liée au sexe, mais bien aux valeurs de vos noms en général. C'est lundi, dans la chronique sportive aujourd'hui, on parle du goalball et c'est un jeu destiné aux malvoyants et aveugles. Voilà pour le sommaire. Pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. En seul centre d'enseignement des métiers sur les trois que compte la commune Gisuru de la province Ruyigi est fonctionnel, mais n'a pas non plus suffisamment d'élèves. Le directeur communal de l'éducation de Gisuru dit qu'il compte organiser des séances de sensibilisation auprès des élèves pour que ces centres soient fonctionnels. Les détails avec Moïse Misako. Ce centre d'enseignement de métier n'attire pas beaucoup d'élèves de la commune Gisuru, reconnaît un responsable d'un centre d'enseignement de métier de cette commune qui possède trois sections, à savoir la couture, la maçonnerie et la menuiserie. Etienne Nakartimana, responsable de ce centre, indique que les filles de la localité fréquentent beaucoup la section couture. Concernant les trois filières principales, pour la filière couture, nous avons des apprenants. Actuellement, on en a 11, mais pour les autres filières, on n'en a pas eu. Ces élèves ne sont pas attirés par ces autres filières et ils croient que ces métiers-là n'ont pas d'importance, mais ces mauvaises croyances sont dites à l'ignorance. Il ajoute que la section agriculture et élevage manque de matériel didactique. Les apprenants de cette section, on en avait eu la première année. Le manque de matériel, c'est l'une des raisons qui font que les apprenants ne sont pas attirés. Par exemple, les apprenants, quand ils viennent, ils veulent les pratiques. Alors, si on n'a pas de matériel, on se contente des théories. Avec ces théories-là, ça n'intéresse pas l'apprenant parce qu'il ne voit pas les résultats de l'effort qu'il fournit. Cela étant, certains élèves qui ont terminé l'école secondaire commencent à fréquenter ces centres d'enseignement de métier. Janine Ndio Kubgayo a terminé la section scientifique. Je suis venue apprendre le métier après avoir terminé les scientifiques. C'est à la maison qu'ils m'ont encouragé à faire la couture, bien qu'il y ait d'autres travaux champêtres. Gracien Mujenama, préfet des études à ce centre d'enseignement de métier, appelle les élèves à apprendre les métiers. Quand vous avez fait la menuiserie, la plomberie, la toudie, vous pouvez vivre sans problème. C'est-à-dire que si vous connaissez un métier, vous pouvez vous-même le pratiquer et vivre sans problème. Le directeur communal de l'enseignement à Gisuru projette faire des sensibilisations pour attirer les apprenants. Donatien Warufata estime que beaucoup d'élèves n'ont pas encore connu l'importance d'apprendre des métiers. On ne sait pas pourquoi les élèves ne fréquentent pas ces centres d'enseignement. On est en train de planifier des réunions en vue de sensibiliser ces élèves pour qu'ils aient quand même l'idée de fréquenter ces centres d'enseignement. Peut-être après ces réunions, on aura quand même quelques élèves ou bien pas mal d'élèves qui peuvent fréquenter ces centres d'enseignement. À la direction provinciale de l'enseignement à Ruyigi, l'on reconnaît que ces centres d'enseignement de métier n'intéressent pas beaucoup d'élèves. Toutefois, l'on admet que la section couture attire beaucoup d'apprenants. Merci Moïse. Misago, vous n'y êtes pas habitué. On passe maintenant à la chronique sportive. On reviendra sur d'autres éléments du journal. Radio Isanganiro, chronique sport. Le goalball est un jeu destiné à la catégorie des personnes malvoyantes et aveugles et pratiqué par 6 joueurs subdivisés en 2 équipes. équipes, comme l'explique le directeur technique adjoint du Comité national paralympique. Cassien Wizabigomba a fait savoir que le goalball se joue dans deux parties pendant 20 minutes. Les détails dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazenez. Goalball est un jeu très amusant destiné à la catégorie des personnes malvoyantes et les aveugles. Cela est dit par Cassien Wizabigomba, directeur technique adjoint du Comité national paralympique. Par le goalball, on entend directement au jeu des malvoyants et des aveugles qui est donc destiné à cette catégorie de personnes. C'est un jeu qui est vraiment sophistiqué, qui est très amusant pour les personnes malvoyantes et aveugles qu'on a aussi amorcé ici dans notre pays il y a quelques années. Et c'est un jeu aussi qui demande beaucoup de choses et beaucoup de matériel et beaucoup de personnel. C'est un jeu qui est très différent d'autres jeux qui sont déjà pratiqués ici sur le territoire burundais. Et c'est un jeu qui est encore une fois peu pratiqué parce qu'il y a encore peu d'équipes qui pratiquent le goalball. Celui-ci précise que le goalball se joue entre deux équipes dont chacune est composée par trois joueurs. Le jeu de goalball se joue par six joueurs. Donc, trois joueurs d'une équipe et trois autres d'une autre équipe. C'est-à-dire deux équipes de six joueurs, donc trois joueurs au terrain et trois joueurs sur le banc de touche. Un jeu de goalball se déroule en 20 minutes, subdivisé en deux parties de 10 minutes selon toujours Cassien Wizabigomba. Le jeu compte 20 minutes. C'est-à-dire qu'après 10 minutes, on fait le changement de terrain. On fait croiser les équipes et on change de terrain. Puis, on continue dans ces 20 minutes. Même si une équipe parvient à faire 10 buts à 0, le jeu se termine par là. On fait les temps morts si on veut et aussi les remplacements des joueurs. Dans la prochaine chronique sportive, Cassien Wizabigomba, directeur technique adjoint du Comité national paralympique, expliquera sur les dimensions du terrain du goalball ainsi que la collaboration entre les joueurs et le coach hors des compétitions. Merci Marie-Claire Kazeneza. En actualité internationale, le nord-est du Nigeria était en deuil ce dimanche 29 novembre après la violente attaque perpétrée samedi 28 novembre contre des habitants de l'État de Borno. Selon l'ONU, au moins 110 personnes ont été tuées par de présumés djihadistes et pour l'heure, aucune revendication n'a été faite. Mais les regards se tournaient vers les deux groupes armés présents dans cette zone. Il s'agit de Boko Haram et ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Et au Burkina Faso, le parti du président Marc Roch Christian Kabore, réélu pour un second mandat, n'a pas obtenu la majorité législative lors du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre. Avec 56 sièges obtenus, le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, n'a donc pas atteint la majorité absolue qui est de 64 sièges sur un total de 127. On revient maintenant sur l'actualité nationale. Le manque de médicaments adaptés, du système d'appareillage ainsi que le manque de personnel qualifié freinent les activités au centre de rééducation et traitement des enfants vivant avec la déficience mentale à Mutkwinzi, c'est en commune et province Gitega. Selon frère Jean Dodieu, Guillet, directeur technique de ce centre, la cause en est la pandémie du Covid-19 et selon toujours lui, les bienfaiteurs qui venaient d'Europe et des États-Unis ont cessé de venir soutenir ce centre. Fidèle d'Antoine Sabimana, reportage. Ce centre qui héberge plus de 130 enfants et a une déficience intellectuelle est essentiellement appuyé par les partenaires étrangers, entre autres les Français, comme le précise frère Jean de Dienguillet, directeur technique de ce centre. Ça nous a affecté du côté de nos partenaires, et notamment la CESEP, Société d'études pour les soins des enfants polymorphomés de la France. Et c'est une association vraiment qui nous donne un coup de main dans la formation de la prise en charge des enfants avec déficience intellectuelle et cognitive. Et les enfants même avec... Nous avons perdu beaucoup parce qu'ils ne viennent pas au Burundi à cause de Covid-19. Frère Guillet cite également l'hôpital de Rome en Italie. Il y a aussi une association italienne de médecins qui travaille à l'hôpital catholique de Rome. Au sein de l'association, il y a des médecins, des neuropsychiatres Alors, ils ont mis en marche ici le service d'électroencéphalogramme. Ils ont mis en marche ici au centre Mutwenzi la prise en charge des enfants épileptiques. Alors, quand ils faisaient une émission par an, mais pour cette année, ils avaient programmé des missions pour cette année, alors, mais ces missions n'ont pas eu lieu à cause de COVID-19. Jean de Dienguillet remercie le ministère de la Solidarité nationale qui est intervenu en vivre et durant toute cette année. Hier, notre ministère de la Solidarité qui nous a beaucoup aidés, qui d'habitude le ministère ne donnait pas la nourriture, donnait la nourriture au moins une fois l'année pour le moment. Dès que la nourriture est disponible, le ministère de la Solidarité a décidé de nous appuyer, je dirais, durant toute l'année. Frère Guillet lance un appel au ministère de la Santé de leur venir en aide pour la prévention du paludisme dans ce centre. C'était un reportage de Fidèle d'Antoine Nsabimana. La fonction de notable au Shinganahe n'est aucunement liée au sexe. C'est plutôt les valeurs d'Ubuntu au foyer, dans le voisinage et dans le pays en général. Selon une femme au Shinganahe investie dans cette fonction en 2002, de même que son mari, la place de la femme en matière de règlement des litiges aux côtés des hommes n'a pas été facile. Catherine Teguera fut vice-présidente du Conseil national des Washinganahe pendant une dizaine d'années et c'est Mireille Kanyange qui l'a rencontrée. Elle s'est battue pour que la femme ayant les valeurs d'Ubuntu puisse avoir sa place aux côtés des hommes Washinganahe. Qui est-elle? Moi, je m'appelle Teguera Catherine. Je suis née commune Gahombo, province Kayanza, en 1964, colline Nkomero. J'ai fait l'école primaire à Rukago. Et l'école secondaire, je l'ai fait à l'école normale de Gitega. Et j'ai terminé les études à l'école normale de Bukeye. Et après, enseigner à l'école primaire de Bukeye. Catherine Teguera, mère de 4 enfants, après ses études secondaires, elle a également fait une année à l'étranger. Entre autres fonctions occupées, elle a travaillé à la prison centrale de Mhimba. J'ai travaillé à la prison centrale de Mhimba dans un projet qu'on appelait EMI, Enfants aimés incarcérés. Et après, j'ai occupé les fonctions de directrice adjointe et chargée de production. Et à un certain moment, j'ai aussi été détrice AI de la prison centrale de Mhimba pendant 6 mois. Et aujourd'hui, je travaille à la direction générale des affaires pénitentiaires. Mais qu'est-ce qui a poussé Mme Teguera à chercher à être femme Mushinganahe? Comme vous le savez, depuis longtemps, l'Institut de Mushinganahe existait au Burundi. Et la femme était investie depuis longtemps, depuis l'existence de l'institution. Mais il était investi d'une façon, je dirais, formelle, parce que c'était le mari qui prononçait le serment et la femme était investi automatiquement. Alors moi, j'ai eu la chance d'être invitée quand à Bujumbura, on commençait à investir les Bashinganahe, c'était en 2000, au Musée Vivant, je me souviens. Et j'ai eu la chance d'être invitée avec mon mari. Moi, j'ai sauté là-dessus parce que je savais ce que c'est le Mushinganahe, parce que j'avais le modèle de mon père, comment il était à la colline, comment tout le monde venait lui demander conseil, et comment il les écoutait avec une voix douce, avec un comportement digne d'Ubuntu. Et là, je disais, j'ai eu la chance de trouver un mari qui me demande ça. Dans la deuxième partie, on vous parlera du combat mené pour arriver au stade de vice-présidente du Conseil national des Bashinganahe et son avis sur l'éradication des violences basées sur le genre. Mireille Kanyange. Les habitants de Gikungu rural en mairie de Bujumbura s'inquiètent du ravinement de la rivière Nyenzari en zone Gihosha. Ils disent avoir peur du ravin qui s'agrandit au jour le jour. Et les propriétaires des maisons ainsi que les locataires disent n'avoir pas de moyens pour déménager et appellent les autorités à sauver ce qui reste à sauver. C'est un reportage d'Omer Ndouayo. Ces habitants qui disent avoir peur habitent à Gikungu rural, en zone Gihosha, c'est à mairie de Bujumbura. Ils s'inquiètent d'un gros ravinement ayant source aux berges de la rivière Nyenzari. Ce locataire dit qu'il est arrivé à l'endroit au moment où le ravin ne dépassait pas 2 mètres de profondeur, mais que ce dernier s'est approfondi du jour au jour jusqu'à ce que même des maisons des habitants s'y effondrent. La situation n'est pas vraiment bonne parce que depuis que je suis venu ici, il y avait un petit ravin qui n'atteignait même pas 2 mètres. Mais ça s'approfondit de temps en temps, ça me fait vraiment peur. Certains de ces habitants font savoir qu'il y a eu tant de descentes de différentes autorités, les promettant de les délocaliser. En 2019, des descentes qui n'ont pas trouvé d'issue favorable. Ils disent avoir une volonté de déménager l'endroit, mais déplorent le manque de moyens comme un défi majeur. Nous ne pouvons pas quitter l'endroit parce que nous n'avons pas le moyen d'aller dans notre endroit. Nous demandons que le gouvernement et les autres associations puissent nous aider pour que nous puissions se déplacer d'ici. Elis Ndihebura, l'un des administratifs à la base, interpelle les autorités à agir le plus tôt possible avant que des catastrophes ne se produisent. Ce ravin, qui a environ 50 mètres de profondeur, s'agrandit vers la rivière Nahangwa. Merci Omer. Et en bref, mettre des dispositifs d'éclairage extérieur sur chaque ménage et combattre l'oisiveté font partie des moyens de lutte contre l'insécurité en commune Mukaza. Renova Sindaïhebura, administrateur de cette commune, l'a évoqué au cours d'une réunion tenue ce lundi à l'endroit des représentants des confessions religieuses, des organisations de la société civile et autres associations œuvrant dans la commune de Mukaza. Les participants ont fustigé les méfaits de la boisson alcoolisée dite Karibou et la prolifération des jeux de hasard comme faisant partie de facteurs que perturbent la sécurité et détériorent la santé de la population. Et je l'apprends en même temps que vous, une personne a été grièvement blessée à la machette au cours de cette nuit sur la colline Rushiha de la commune Musigati en Provence et Bubanza. Les malfaiteurs n'ont pas été identifiés. Les habitants de la localité disent qu'ils ont passé la nuit dans une peur panique suite au coup de feu tiré par les malfaiteurs en fuyant. Les autorités administratives et policières expliquent qu'il s'agissait de deux bandits, l'un armé de fusil, l'autre armé d'une machette, et qui ciblait le ménage d'un homme qui avait vendu sa vache la semaine passée. La femme de cet homme a crié, ils l'ont blessé à la machette. Les voisins sont vite intervenus et les deux bandits se sont volatilisés dans la nature en tirant des coups de feu. La police dit être à leur poursuite. Il est 13h14 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. L'administrateur de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura envisage d'exiger l'éclairage extérieur sur chaque ménage d'une part et de combattre l'oisiveté d'autre part comme moyen de lutte contre l'insécurité. Renova Sindaïhebura a rencontré ce matin les représentants des confessions religieuses et des organisations de la société civile. Certains habitants de Gikungu rural s'inquiètent du ravinement progressif de la rivière Nyenzari en zone Gihosha. Propriétaires de maisons et locataires voudraient bien déménager, mais manquent de moyens. En commune Gisuru de la province Ruyigi, le seul centre d'enseignement des métiers dits fonctionnels sur les trois n'a pas non plus suffisamment d'élèves. Vous avez suivi les explications du directeur communal de l'enseignement que notre reporter a rencontré là-bas. Et vous avez également suivi le portrait d'une femme investie notable en 2002 en même temps que son mari. Catherine Teguera nous dira que cette fonction n'est aucunement liée, que cette fonction n'est aucunement liée au sexe, mais bien aux valeurs d'Ubuntu en général. Et vous avez également suivi la chronique sportive. Et aujourd'hui, nous avons parlé du goalball et cet enjeu destiné aux malvoyants et aveugles. Il est 13h15 à Bujumbura, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Au micro Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.